Mais voyons, Emma, pourquoi tu nous parles de résistance à l'heure de la sieste ou du goûter ? Je vous parle de résistance parce que c'est simplement le mot un peu à l'ordre du jour, disons particulièrement aujourd'hui, car nous avons déjà écouté entre 11h et midi et demi dans le salon d'écoute la première partie du cycle Résistance et Archives Sonores, qui était donc avec les artistes Mohamed Ali El Taïef et Lamine Fofana, que nous retrouverons à 14h aux côtés de Maya Al-Haldi et Saruna et Mazen Kerbaj. Également dans le salon d'écoute, dont je vais aller m'empresser d'ailleurs d'appuyer sur REC afin de pouvoir avoir un enregistrement correct de ce moment-là. Et pendant ce temps, je vais vous laisser nous décliner le programme du jour. Donc c'est aujourd'hui dans la maison communale de Plainpalais et aussi à l'antenne. Alors la déclinaison du programme du jour. Donc effectivement, ce matin, nous avons eu Mohamed Ali El Taïef et Lamine Fofana qui ont discuté et performé de 11h à midi, midi 30 dans le salon d'écoute. À partir de 14h, donc vraiment tout à l'heure, il y aura Building Futures Beyond Sonic Archives, aussi toujours dans le salon d'écoute pour une heure à peu près. Ensuite, le trio Tarpa, concert famille dans la salle de jeu qui jouera de 14h à 14h30. C'est un ensemble composé de deux flûtes et d'une contrebasse. On passera ensuite à une performance d'Elena Lorina Vitute à 16h, de 16h à 16h30 et puis aussi de 18h à 18h30 dans la salle des veillées qui se trouve un petit peu au sous-sol en passant par le couloir donc devant la radio. Et puis donc c'est une artiste lituanienne qui crée des œuvres en céramique faites d'éléments sphériques liés à des éléments en maillage, faisant apparaître le vide et l'espace dans la continuité du plein et du fermé. Et c'est en installation, mais c'est aussi en installation performative activée tout à l'heure. Donc ensuite Turtle Listening, et ça ce sera aussi un concert minuscule donc pour jeunes publics et plus. Dans la salle de jeu, de 16h à 16h30, un bain sonore de petits sons. C'est la proposition de deux étudiants, performer, composer à la HEM, qui nous invitent à une expérience d'écoute à travers l'utilisation insolite d'objets trouvés. Et ensuite, le concert de Séverine Ballon, et ça, ce sera dans la grande salle. À 17h, de 17h à 18h, la compositrice Séverine Ballon aime relier son engagement social à sa pratique artistique de Paris à Rome, ou Donaueschingen. Elle a créé plusieurs pièces qui ont pour spécificité de prendre racine lors d'ateliers qu'elle dirige et qui s'adressent à tout public. Donc voilà, c'est une restitution d'ateliers et c'est entrée libre à 17h dans la grande salle. Après, nous aurons un concert de Martina Berter, et ça, ce sera dans un concert dans le salon d'écoute, concert Acousmonium. Martina Berter, qui est une bassiste, polyinstrumentiste et compositrice, qui s'installe dans le salon d'écoute pour un projet de création autour de la basse électrique et des multiples manières de pouvoir l'emmener autre part. Donc, 18h, 19h. Ensuite, trois concerts, Mazen Kerbaj, Maya Al-Hadi et Saruna vont jouer dans la grande salle dimanche 19 avril, donc aujourd'hui, de 20h à 21h30. Trois concerts, un solo de trompette de Mazen Kerbaj et puis ensuite, en deuxième partie, Maya Al-Hadi et Saruna, musicienne et compositrice palestinienne, utilise les archives du Centre d'art populaire de Ramallah qu'elle reconfigure pour questionner les mémoires qui y sont réunies. Voilà, donc ce sera un concert en deux parties à 20h, de 20h à 21h30. Et nous terminerons la journée là-dessus. Et voilà, on vous dit à demain. J'imagine un horaire peut-être un peu plus conventionnel, c'est-à-dire qu'il y aura demain le partage d'écoute de 12h30 à 13h30, qui sera ensuite suivi d'une émission de radio très très plaisante. Le partage d'écoute de lundi, ce sera Mazen Kerba, justement. Donc on vous retrouve demain après son partage d'écoute. Au revoir.